Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés aux cours du Collège de France auxquels s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. L'Europe est-elle à la traîne des États-Unis et de l'Asie pour la révolution numérique? Les informaticiens ont-ils une déontologie? Est-elle à géométrie variable? S'interroge l'informaticien Gérard Berry. Quel est le rapport du CNRS avec l'informatique? Comment s'est créée l'INRIA? Comment l'informatique a-t-elle trouvé à côté des écoles d'ingénieurs sa place dans les universités? Comment le mot informatique a mis du temps à entrer au CNRS? S'interroge Antoine Petit. Comment la recherche publique en informatique a-t-elle débuté chez les mathématiciens et quelle est sa consécration aujourd'hui au CNRS? Gérard Berry, polytechnicien, informaticien, qui a longtemps enseigné à l'INRIA, l'Institut national de recherche dédié aux sciences du numérique, a été titulaire de la chaire Algorithmes, machines et langages de 2013 à 2019 au Collège de France. Depuis la semaine passée, nous vous proposons de plonger dans la révolution de la science de l'informatique en sa compagnie dans le cadre de la série de cours donnée en 2019 sous le titre « Où va l'informatique ?». Dans le texte qui accompagne cette ultime série, Gérard Berry explique, et je le cite, « La société informatisée qui nous attend dépendra directement de nos choix conscients ou inconscients. La persistance d'une mauvaise compréhension des raisons de la puissance des mouvements actuels nous conduirait à subir les choix faits par les autres plutôt que d'organiser nous-mêmes notre évolution. Mais pour faire des choix sensés, il faut d'abord comprendre. Mon objectif sera donc d'expliquer les ressorts de l'informatique moderne au grand public afin de lui permettre de mieux saisir ses évolutions actuelles et apprécier leurs effets positifs ou négatifs. » Depuis le cours précédent, Gérard Berry répond aux questions qu'il a reçues de ses auditeurs pour présenter les enjeux de la recherche informatique. Et pour enfoncer le clou, si j'ose dire, en deuxième partie, l'informaticien reçoit Antoine Petit, agrégé de mathématiques, président directeur général du CNRS. Comme Gérard Berry, Antoine Petit a développé un beau parcours au sein de l'INRIA. Il revient aujourd'hui sur le développement de la recherche publique en informatique. Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 20 février 2019 pour le cours de Gérard Berry au Où va l'informatique et son séminaire en compagnie d'Antoine Petit. Aujourd'hui, les enjeux de la recherche informatique suite. Alors, maintenant, on va plus sur des domaines sociaux, informatique, économie, travaux collectifs. Alors, quelle est notre responsabilité de société d'être souvent dans une situation de rattrapage sans aucune anticipation et souvent dans un modèle copié-collé sur le voisin anglo-saxon ou asiatique? Moi, je pense que notre responsabilité est majeure. On est effectivement à la traîne en informatique, complètement du monde, sauf en recherche, j'ai déjà dit. Voilà. Pourquoi? Parce que l'ensemble des dirigeants de notre pays, et pas mal en Europe, ont considéré que ce n'était pas un sujet d'avenir. Et ça, j'ai entendu beaucoup, donc ça s'est calmé. Puis beaucoup de scientifiques aussi. Je veux dire, la création de l'INS2I au CNRS, l'Institut des sciences de l'information, ça n'a pas été une mince affaire. Hein. Je la connais de très près et je peux vous dire que les résistances étaient cosmiques. Hein. C'est le cas de le dire. Et voilà, ça a été fait quand même. Donc il y a des conflits, il y a toujours des conflits. Donc les sciences n'aiment pas les nouveaux. Ça, c'est pas récent. Et bon, c'est comme ça. Tous les milieux finissent par être féodaux. Hein. Voilà. Donc beaucoup, les sciences, vous voyez, disaient, oui. Par exemple, les biologistes disaient en France, il n'y a pas longtemps, il nous faut des ingénieurs. Pas des chercheurs. Chercheurs en informatique, ça sert à rien. Maintenant, c'est plus vrai. Mais il faut du temps. Et les résistances mentales sont très, très fortes. Ça, c'est beaucoup moins vrai à Silicon Valley. Ça, c'est évident. J'ai pas la réponse à la question qui montre la disparition d'une plusieurs têtes de proue d'un navire France-Europe. Donc là, on est vraiment dans la gouvernance. En manque de direction claire et assumée inscrite dans les besoins et l'émancipation. Donc, on va parler de ça. Stratégie et souveraineté. Électronique. Perte de contrôle, problème stratégique qui est bien de notre faute. De notre faute, c'est certain. Mais enfin, ça n'a rien de simple. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens. Il n'y a plus grand monde qui a les moyens de suivre l'électronique. Il n'y a plus que, j'ai dit, il n'y a plus que trois endroits au monde où on arrive à suivre l'électronique. Et même les plus grands des États-Unis sont en train de dire, ils arrêtent la course. Hein. Donc voilà. Mais il y a quand même des choses qui se réveillent. Par exemple, il y a une action européenne en cours avec 1 milliard d'euros sur l'hexaflop. Et puis, il y a les actions sur l'IA, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas mon domaine. Alors, j'ai pas beaucoup d'avis là-dessus. Je ne sais pas. Donc, il n'y aura pas de moyens. Puis, il y a d'autres choses. C'est qu'on n'a pas accès aux ressources. C'est vrai aussi aux États-Unis. Ça demande des métaux rares, ça demande en petite quantité, hein, on va en reparler après, mais on n'a pas accès à ces ressources. Alors, carence de l'enseignement, retard par rapport aux GAFAM. Ah, je suis ravi de connaître votre avis sur la période précédente, 65-80, et sur l'extraordinaire occasion que nous avions et que nous n'avons pas su saisir. Gâchis ou occasion manquée. Plan calcul entreprise nationale, terminologie nationale, méthodologie de programmation, etc. Alors, terminologie nationale, c'est toujours là, hein. Il n'y a pas trop de problèmes avec ça, des fois un petit peu trop. Voilà. Et puis une question associée, c'est peut-on construire un groupe industriel comme Airbus pour concurrencer les BATX et GAFA? Il y a une Europe du nucléaire, une Europe de l'aviation, une Europe du spatial. Pourquoi n'y a-t-il pas une Europe de l'informatique? Bon, ça, c'est des questions tout à fait intéressantes. Pas vraiment simples. Alors... Bon, moi, je suis pas très, très impressionné par les années 65-80 en France. On a fait la C2I, qui est née de l'embargo sur les supercalculateurs, mais elle a développé des machines de calcul numérique et elle a eu des effets de bord, dont l'un était vraiment important, c'était l'interdiction d'acheter autre chose, qui fait que la recherche n'a pas pu travailler sur un ordinateur jusqu'en 1985 à peu près, même un peu plus. Par exemple, la recherche autour de l'ISP, qui a eu de la chance, travaillait à l'IRCAM, parce que Pierre Boulez avait tordu le bras de Giscard d'Estaing en lui disant « Je ne crée pas l'IRCAM si tu ne me mets pas un PDP-10 ». Et donc le PDP-10 est arrivé en cachette. Ce n'était pas un embargo légal, c'était un embargo de fait. Moi, je n'ai pas eu d'ordinateur jusqu'en 1985-6 à peu près. Donc ça, ça a été extrêmement gênant pour nous. Et je dirais que le succès international n'a pas été frappant non plus. Moi, je pense que nous avons une grosse aigreur là-dessus à la recherche, hein. On n'avait pas le droit d'avoir les VAX, qui étaient la machine de recherche dans le monde. On ne pouvait pas avoir de VAX. On a fini par en avoir un à Bordeaux. L'intégralité de la France travaillait sur une seule machine. On est dans la déraison. Il y a eu un gros effort sur la SM90 après, sauf les numériciens, bien entendu. Les numériciens n'ont jamais eu de problème. La SM90, j'en ai eu une. J'ai fait le premier compilateur STL dessus. J'ai été vraiment content de l'arrêter. Hein. Ça ne marchait pas bien. C'est comme ça. Hein. Voilà. Le problème, c'est que jouer dans la cour des grands, ça demande beaucoup plus que de l'inventivité. Ça demande énormément de choses. Airbus, ce n'est pas des gens qui font les avions, c'est aussi des gens qui savent les vendre. Et la C2I vendait... Je vous raconterai l'histoire la prochaine fois des deux Iris 80 que j'ai connus. Un qui a été salé, qui a mis 1 an à remarcher, et l'autre qui a été noyé, qui a mis 4 mois à remarcher. C'était les deux auxquels j'avais accès. Malheureusement, vrai. Et puis le grand plan informatique pour tous à l'école avec les TO7, dont une énorme partie n'a jamais été sortie de ses cartons. Ça a coûté très très cher. Et c'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. Alors, peut-on construire un groupe industriel comme Airbus, etc.? Il y a une Europe du nucléaire. Du CEA, il reste des études du CEA. Les études du CEA continuent toujours. Il y a des choses très fortes en logiciel, en circuit. STMicro a beaucoup de technologies qui viennent du CEA. Soitec aussi. Le silicone non isolator et tout, mais il n'y a pas les moyens, c'est trop cher, c'est une industrie trop lourde pour arriver à suivre, mais c'était bien de faire ça. Surtout, la question c'est pourquoi se dire c'est forcément des sujets d'État. C'est pas ce que font ceux qui ont réussi, donc il y a quand même une question à se poser. Hein, alors en Chine, je ne sais pas s'il y a des sujets de non-État, ça c'est pas évident, mais si on regarde bien, les gens qui ont fait les choses sont des gens qui vendaient beaucoup. Ce n'étaient pas des gens qui étaient subventionnés que par le gouvernement américain. Ils vendaient beaucoup. Et un des problèmes, c'est qu'ils ont acquis un savoir-faire qu'on a perdu et qu'un savoir-faire à retrouver en électronique, ce n'est pas facile. Bon, voilà. Et puis, alors, pour ce qui est des GAFA, ben, y a Winner Take All. Hein, et puis ça, lutter contre Winner Take All, ce n'est pas fait. Par exemple, on dit la France a inventé le Micra, le premier ordinateur. Moi, je reviendrai à la leçon de clôture. Le tout n'est pas d'inventer quelque chose, c'est s'apercevoir qu'on a inventé quelque chose d'important. N'inventer, ce n'est pas la partie dure, quelque part. Faire qu'il devienne important, c'est beaucoup plus important. Ça, j'ai un PDG qui m'a longuement expliqué ça. Et on a su le faire, mais c'est compliqué. Bon, alors, est-ce que c'est l'État ou l'Europe? Et puis, si on regarde bien, on a fait des choses qui ont réussi, qui sont mentionnées là. Il y a une Europe du ferroviaire, une Europe d'Airbus. Est-ce qu'il y a une Europe de l'avionique? Pas vraiment. C'est un projet franco-allemand avec de l'Angleterre. C'est pas un projet européen, Airbus, hein. C'est un projet industriel franco-allemand-anglais. Les ailes sont faites en Angleterre, encore. L'ESA, c'est un projet très très compliqué, dont la lenteur est absolument constante. Hein, faut pas oublier ça. C'est Galiléo a pris 10 ans de retard. Hein, c'est pas quand même une fierté qu'il faut avoir. Donc c'est quand même pas si simple. Je pense que les gens qui vendent sont très avantagés stratégiquement sur les gens qui vendent pas ou qui vendent qu'à eux-mêmes ou qu'à des marchés garantis. Et les Américains se gênent pas pour les marchés garantis. Voilà. Et puis si on regarde les grandes filières étatiques françaises, le TGV, ça a été le premier, c'est le moins exporté, et qui a quand même beaucoup de difficultés en ce moment. Le spatial, Ariane 5, a été taillé exactement à la mauvaise, ça j'ai vécu, hein, à la mauvaise taille. Ça a été taillé pour Hermès, c'est-à-dire que c'était juste trop petit pour mettre 3 satellites et trop gros pour en mettre 2. Voilà, c'était juste la mauvaise taille, ça a été connu dès le début, c'est une décision de Mitterrand, on fait Hermès, donc Ariane 5 a été dimensionné pour ça, et ça l'a payé toute sa carrière, après il y a eu Ariane 5 boosté et tout. C'était une décision étatique qui a fait que Ariane 5, et si Ariane 5 a marché, c'est d'abord à cause de sa qualité, qui est quand même extraordinaire, et puis parce que les Américains avaient arrêté de faire des fusées. Maintenant, c'est moins clair, sur Ariane 6, ça trouille en Europe, hein, parce qu'il y a les... Il y a Elon Musk, là, avec ses fusées qui reviennent. Ça, tout le monde disait que c'était impossible. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, est-ce que c'est ça? Donc, les filières stables à travers le temps deviennent aussi immobiles. Hein, vous regardez l'histoire de Flamanville. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de recommencer ça trop souvent, quoi. Donc, ce n'est pas simple. Et avoir une position dogmatique là-dessus, moi, j'aime pas trop. Alors, j'ai pas dit que la position était dogmatique. Manque d'imagination... quête de la sécurité est-elle le rocher de physique? Oui, on y est absolument condamné, mais c'est pas perdu. C'est pas perdu. Je pense que les chercheurs sont en train de faire des trucs très très bien. On est dans les ennuis, mais on peut en sortir avec de l'enseignement et de la recherche. Ah, courriel, messagerie instantanée, réseaux sociaux, téléphonie IP. Ça c'est intéressant. Ça devrait pas être le rôle du groupe La Poste de faire ça, au lieu que ce soit des grosses boîtes étrangères qui vous pompent vos données et tout. Bon, alors là, je dirais, il y a plusieurs choses à regarder. La première, c'est que tout le téléphone fixe est sur IP en France. Je vous signale que le téléphone non IP va être débranché cette année ou l'année prochaine. Il n'y aura plus un seul téléphone non IP, même sur vos lignes anciennes. Hein. C'est annoncé, c'est parfaitement prévu. Donc IP, téléphone IP, c'est fait. Orange, par exemple, n'est pas du tout en retard sur le reste du monde. Hein. C'est pas vrai que les sociétés profitent toutes de vos courriels. C'est pas vrai. Apple garantit qu'il lit pas vos courriels, Google aussi. Hein, la garantie de Google, si, la garantie de Google ne vaut pas forcément grand-chose, mais ils utilisent le fait que c'est gratuit pour vous offrir d'autres choses. Hein. Apple, c'est il faut vous ayez une machine, et Google, ben vous êtes embarqué dans Google. Et puis c'est pas vrai qu'elles font des choses à votre insu, ça c'est faux. Ils expliquent ce qu'ils font, ils le disent qu'ils utilisent vos données, ils n'ont jamais caché, jamais. Alors ils le disent en public. Hein, il n'y a aucun problème. Moi, j'étais dans les congrès, ils ne parlent que de ça. On pique vos données, on ne les pique pas d'ailleurs, on vous les demande. Facebook dit à ses utilisateurs que les photos qu'il met sur Facebook sont à lui. Et reste à l'utilisateur. C'est dit, c'est pas. Il ne faut pas faire semblant de le découvrir. Ça fait 15 ans que c'est dit. Hein. Mais bon, est-ce que c'est bien? Ça, c'est autre chose. Mais on n'est pas forcé d'aller là. Il n'y a rien qui force ça. Bon, c'est vrai que les conditions générales sont foireuses, mais la RGPD est en train de bouger ça pas mal. Alors non, c'est pas vrai, parce que, par exemple, si vous voulez un courrier gratuit sur La Poste, eh bien, il y a. Il y a un courrier gratuit sur La Poste, laposte.net, moi j'ai un compte sur La Poste, et vous avez une option, on donne aux annonceurs ou pas, et si vous mettez ou pas, ils ne le donnent pas. Bon, et alors, en fait, des courriers comme ça, il y en a pas mal, des courriers coopératifs, gratuits ou pas. Moi, je pense que gratuit, c'est une très mauvaise idée, on va en parler après. Et il y a, par exemple, Proton Mail, qui a été fait au CERN, et qui est un courrier collaboratif qui est exactement fait pour ça. Vous pouvez y aller, vous avez des options gratuites et des options payantes. Vous pouvez y aller et Proton vous dit exactement ce qu'ils font et ce qu'ils font pas. Ils font rien avec vos courriers essentiellement. Vous avez netc.com en France qui fait ça. Il y a beaucoup d'endroits où on peut avoir des courriers gratuits et non surveillés. Il suffit de taper sur votre moteur de recherche, par exemple DuckDuckGo ou Quant, qui ne vous surveille pas. Courrier gratuit et machin, et vous en trouvez plein. Donc, il ne faut pas se dire qu'il n'y en a pas. C'est juste pas vrai. Moi, je vais y aller, bien sûr, c'est clair. Il y a un problème récurrent, hein, c'est les gens veulent tout gratuit, mais veulent que ce soit professionnel. Donc, payer des gens professionnels qui font du gratuit, J'ai vu pas mal de gens qui m'ont dit, on fait une start-up, on va faire des trucs gratuits. Je leur ai dit, mais attends, il y a un truc, si on fait une start-up, il y a un truc qui s'appelle le business model, qui est quand même important, parce que toi, tu es dans la recherche, tu es détaché, tu as ton poste gardé pendant 10 ans, peut-être tu peux t'en sortir, mais si tu embauches quelqu'un et qu'il est viré 6 mois après parce que tu n'as juste plus de sous, ça marche pas. Donc, il faut quand même penser que les gens qui font ça sont des gens normaux, qui touchent des salaires normaux, et que quand on vous vend des trucs gratuits, c'est qu'il y a un os derrière. Le gratuit, ça pollue beaucoup les discussions, en fait. Il a été introduit de plusieurs façons différentes. Au début, c'était les informaticiens, comme Internet, par exemple. C'est gratuit, c'est un cadeau à la société, c'est un cadeau au monde, c'est un cadeau à l'humanité. Bon, très bien. Ces gens étaient payés, par ailleurs, n'oubliez pas. Ils étaient au CERN. Et ils avaient raison de les payer, les gens du CERN. Il y a eu les premiers services à grande échelle gratuits, qui sont toujours là, Yahoo, Microsoft Mail, après Google. Alors, il y a deux choses. Entrée vers la pub, recueil de données, mais pas toujours. Par exemple, Apple garantit qu'il ne s'est jamais servi de vos données. Ça, je pense que c'est vrai, pour le coup. Et ben, il sert du fait que vous avez ces machines. Mais c'est pas nouveau. Ça a été fait énormément de fois, ça. Le Minitel, on vous le donnait. Kodak. Le nom officiel d'un appareil photo chez Kodak, c'est un manche-pellicule. C'est un peu comme les imprimantes. Une imprimante, c'est hyper sophistiqué, on vous la file parce que les cartouches, là, vous vous faites ramasser. Voilà, donc un Kodak, c'est un manche-pellicule. Puis la publicité sur les murs de Paris, on a oublié, mais les murs de Paris étaient intégralement couverts de publicité en 1900. C'est gratuit, la publicité, vous la regardez, vous ne payez pas pour la regarder. Vous payez ailleurs. On s'habitue, le problème, c'est qu'on s'habitue au gratuit, au faux gratuit. Et après, on a du mal à payer. Et alors, si on parle de la poste, qui est-ce qui pense qu'une lettre, si elle est gratuite, elle va arriver ? Personne. Moi, un timbre. C'est vachement cher, un timbre. Très cher, un timbre. 1,50€, 1,20€, bon, bref, c'est cher, un timbre. Eh bien, une lettre, c'est gratuit. Alors, on s'habitue, il faut que les lettres soient gratuites. Ben, c'est con. Il n'y a pas d'autre mot. Non. Il n'y a pas de raison que les lettres soient gratuites. Il n'y a pas de raison qu'elles soient chères. Mais c'est pas pareil. D'ailleurs, si les lettres étaient un peu payantes, mettons 2 centimes la lettre, ce serait beaucoup plus casse-pied d'envoyer 20 millions de spams. Réfléchissez à ça. Donc le gratuit, c'est vraiment la fausse bonne idée, sauf pour ceux qui vendent des choses gratuites. Mais voilà, n'oubliez jamais qu'un service public non plus, c'est pas gratuit. Bon, alors, que dire maintenant ? Ressources minérales, énergie, recyclage, du matériel rendu obsolète par le profit. Alors là, il y a encore cette idée que c'est le profit qui rend tout obsolète. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Alors, c'est pas 100% faux, mais c'est pas si simple. Parce que c'est la loi de Moore, surtout. C'est-à-dire qu'avec un téléphone Nokia, vous risquez pas d'avoir un navigateur, ni d'avoir un GPS. Il n'y a pas de circuit. D'accord ? Les circuits, on ne savait pas les faire. Les circuits pour faire avoir un smartphone, on ne sait pas les faire depuis bien longtemps. Donc, l'iPhone 3, j'en ai eu un, ça ne marchait pas. L'iPhone 4, ça marchotait. Et j'ai dit ça parce que j'ai eu des Samsung, c'est pareil, ça marchotait, c'était super lent et tout. Et donc, bah oui, les vieux appareils sont vieux, mais ils sont vieux vraiment. C'est-à-dire, ils sont nés vieux. C'est pas qu'ils sont devenus vieux, c'est qu'ils sont nés vieux. On n'y peut rien, c'est comme ça. Ça devient moins clair maintenant. D'ailleurs, les gens changent de moins en moins leur téléphone, ce qui est une assez bonne idée. D'autre part, le recyclage est évidemment un problème. On en parle beaucoup. Il y a plusieurs milliards de téléphones mobiles qui ont été produits. L'énergie augmente. Il y a une question sur le bitcoin. Je répondrai à aucune question sur le bitcoin. J'y connais rien. Il y a Rachid Guerraoui qui fait un cours sur le bitcoin. Il connaît. Donc, je ne vais pas m'avancer. Je n'ai aucune information correcte là-dessus. Donc, la loi de Moore est fondamentale. Et diminuer l'énergie, eh ben, c'est évidemment la seule occupation depuis pas loin de 10 ans dans les circuits. Et maintenant, vous regardez un téléphone, ce qu'il fait, le temps qu'il tient, ce que faisait un Nokia qui tenait une semaine, donc là, il faisait rien. Il dormait la plupart du temps. Il faisait que téléphoner, ce qui coûte pas grand-chose. Mais un navigateur, ça calcule énormément, par exemple. Donc voilà, donc c'est vrai. Pour le cyclage, il y a un très gros problème. Mais là, c'est très franchement 1 ou 2 ordres en dessous de la voiture électrique. Parce que le lithium des batteries de téléphone comparé au lithium des batteries électriques et le cadmium qu'il y a dedans les piles et tout, ben, avec une voiture électrique, vous alimentez une ville de téléphone. Donc la voiture électrique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de ça. Mais il ne faut pas toujours s'intéresser qu'à l'epsilon. Bon, ce n'est pas epsilon, les ordinateurs. Mais bon, la voiture électrique, c'est vraiment sérieux. Est-ce que c'est même écologique ? Ce n'est pas absolument sérieux. Bon, consommation électrique de la blockchain, je pense qu'il y a des systèmes qui ne sont pas forcément aussi consommateurs. Bon, alors, comme le temps est presque passé, je vais terminer sur une question très simple et pas du tout simple. Les informaticiens ont-ils une déontologie ? Ils ont plusieurs déontologies, je pense. Il y a beaucoup de déontologies. La déontologie, ça se construit avec l'expérience. Ce n'est pas un truc vraiment facile. Quand les choses vont vraiment vite, comme en informatique ou en biologie, la déontologie, ça change tout le temps. Regardez, CRISPR-Cas9, immense invention de la biologie, ça change complètement les discussions de déontologie il y a 2 ans. Donc, oui, les informaticiens ont une déontologie à géométrie variable suivant les endroits. C'est évident qu'à Silicon Valley, il y a beaucoup d'Américains qui donnent leurs données et qui sont pour ça. Déontologiquement, c'est parfaitement acceptable, si c'est leur credo. Il y a des gens qui sont contre, c'est parfaitement acceptable. Le problème d'une déontologie, c'est quand elle s'impose à un système. Par exemple, il y a une déontologie médicale que tous les médecins sont forcés de suivre, quand elle est officielle. Là, on n'a pas ça, on n'a pas de système. Donc, je pense qu'individuellement, il y a quand même beaucoup d'informaticiens, dans la recherche, je le sais, il y a beaucoup d'informaticiens qui ont une déontologie assez forte, mais elle est à géométrie variable avec le temps, parce que les choses bougent. Et dans le privé, ben, il n'y a pas que des méchants dans le privé. Moi, je connais beaucoup de gens travaillant dans l'informatique, et j'en connais très très peu qui sont méchants. Non, même chez Google ou chez Apple, je pense que c'est pas carré comme ça. Vous venez d'écouter l'informaticien Gérard Berry. Tout de suite, Antoine Petit, président-directeur général du CNRS. Et bonjour à toutes et à tous. Merci à Gérard de cette invitation qui m'honore. Et alors, on avait discuté avec Gérard, savoir de quoi je devais vous parler, parce que de la science, des papiers, j'en fais plus beaucoup. Je crois que le dernier papier que j'ai écrit, c'est en 2006, donc il y a quand même prescription. Mais peut-être que l'expérience qui est la mienne me permet d'avoir quelques messages à faire passer sur la recherche publique en informatique. Alors, 2 mots sur l'histoire, un petit mot sur le présent, ou 2 petits mots sur le présent, et un petit peu plus de mots sur les enjeux, et sur la responsabilité qui est, à mon avis, celle de la communauté informatique, qui peut pas se contenter de dire « les gens comprennent pas » ou « les autres scientifiques nous prennent pas en compte ». Je pense qu'on a une vraie responsabilité collective là-dessus. Alors, d'où ça vient ? 3 périodes, les débuts chez les mathématiciens, donc un certain nombre d'entre vous connaissent mieux cette histoire que moi. J'ai trouvé intéressant de mettre 2-3 points en avant sur l'histoire de l'informatique, parce que je pense qu'elle explique un certain nombre de choses. D'abord, le premier point, c'est que la communauté de l'informatique, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, elle est née de la communauté mathématique. Et ce qui explique un certain nombre de choses. Et si on regarde ce qui se passe à Grenoble, par exemple, où il y a Jean Kunzmann, qui est un mathématicien qui est arrivé de Strasbourg juste après la guerre. Donc, on commence à créer l'informatique. Et puis, on voit un de ses élèves, l'électricien René Perret, au MIT, pour préparer une thèse. Et quand René Perret revient, il refuse de joindre le laboratoire d'informatique. Et il crée le laboratoire d'automatique de Grenoble. Et donc, ça, c'était dans les années 60. Et vous voyez que combien de temps après, 58 ans après, ils se parlent toujours pas beaucoup, les informaticiens et les automaticiens de Grenoble. Et une dernière anecdote, c'est que pendant la soutenance de la thèse de Perret, il y a une discussion un peu âpre entre Kunzmann et Louis Nel, donc Louis Nel, prix Nobel de physique, comme vous savez, Kunzmann affirmant qu'un calculateur, c'était 95% de maths et 5% de physique, et Louis Nel disait que c'était exactement le contraire. 95% de chaque, voilà, c'est ça l'informatique. À Paris, en 62, donc le CNRS a eu du mal avec l'informatique, je vais revenir, même eu beaucoup de mal avec l'informatique. C'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu se faire pardonner en prenant un président informaticien, mais je pense que le mal a été fait pendant des années. Donc ça naît à Paris autour de Delaveau. Mais on fait au CNRS quand même essentiellement des maths pour l'informatique, donc du calcul numérique, des modèles mathématiques, de la combinatoire, de la théorie des graphes. On fait pas de l'informatique au sens large où on l'entend aujourd'hui. Et puis une petite anecdote de 1965, je pense qu'on peut avoir le plus grand respect scientifique pour André Lichnerowicz. Mais ça arrive que même les grands scientifiques disent des conneries. Et en l'occurrence, ils refusent la création d'une section dédiée à l'informatique, d'un revers de la main expliquant que c'était quand même pas une science, mais qu'on pourrait peut-être à la place créer une commission fonctionnelle des ordinateurs. Et puis quand même, il y a des gens qui ont compris que les choses se passaient, en particulier ce qui se passe autour du plan calcul, qui en soi n'a pas été forcément une très grande réussite, mais qui néanmoins conduit à la création, du point de vue industriel, de la C2I, qui va devenir C2IE des Welbull, Pibull. Et puis côté académique, la création de l'IRIA, qui naît en 67, et qui là, pour le coup, va quand même devenir un des grands succès qu'on connaît et sur lesquels je reviendrai aujourd'hui. Et puis, dans les laboratoires universitaires, il y a quelques pionniers qui souvent sont des mathématiciens ou des gens formés dans des laboratoires de mathématiques qui, si je peux dire, se répandent dans la France entière. J'en ai peut-être oublié, mais il y a au moins Verjus à Rennes, Boussard à Nice, Colmer Wehr à Marseille, Corrie et Courcelles à Bordeaux, Perk et Matheux à Nancy, Bacchus à Lille, Maisonchef et Durant respectivement à Nantes et Montpellier, qui sont plutôt déjà des automaticiens. Et donc petit à petit, l'informatique trouve sa place dans l'université. Le développement, on peut le mettre sur les années 75-2000, et c'est intéressant de voir qu'au CNRS, le développement, il n'est pas le fait des mathématiciens, mais des sciences de l'ingénieur. C'est en 75, il y a la création des sciences pour l'ingénieur, et c'est vraiment dans ce département SPI que l'informatique trouve sa place, avec en particulier la question des machines qu'évoquait Gérard tout à l'heure. Je pense qu'il faut rendre grâce à Michel Combarnous, qui était le directeur du SPI de l'époque, qui est allé à l'encontre de la législation pour autoriser les informaticiens à acheter des VAX, ce qui était contraire, encore une fois, aux règles de l'époque. Et puis, il y a la grande association, la grande vague d'associations par le CNRS, d'UMR, à l'époque, ça ne s'appelait pas des UMR, ça s'appelait des URA, donc l'IRISA à Rennes, le CRA à Nancy, le LITP et la FORIA à Paris. Puis ensuite, il y aura le LIFL, à Lille, le LIRM à Montpellier, le LABRI à Bordeaux, etc. Et puis, dans le même temps, l'IRIA devient un institut national, un EPST, devient l'INRIA, avec la création d'un deuxième centre à Rennes en 79, puis du centre de Sophie Antipolis en 83, dont Gérard a quelques souvenirs, n'est-ce pas ? Puis Nancy en 86, puis Grenoble en 92. Donc on voit ce développement qui se déroule. En 82, il y a un élément extrêmement important qui apparaît, c'est la création des PRC, qui étaient à la fois des PRC et des GDR. Donc il y a 5 PRC et GDR qui sont créés. Programmation, sous la direction de Robert Corry, mathématiques pour l'informatique, sous celle de Dominique Perrin, C-Cube, Jean-Pierre Verjus, BD3, base de données, sous la direction de Claude Delobel, et informatique linguistique, sous la direction de Maurice Gross. Et ce sont vraiment des structurations qui ont joué un rôle essentiel. Moi, j'ai soutenu ma thèse en 85, je fais mon DEA en 83, et donc c'était le tout début, et c'était clair que c'était, quand on arrivait dans le domaine, c'était vraiment le truc qui était en train de révolutionner les moyens qu'on pouvait avoir, et ça a joué un rôle extrêmement important. Et puis, j'ai retrouvé ça, je n'ai pas entré dans les détails, c'est le journal du CNRS qui, en février 93, fait un numéro spécial de 100 pages sur la recherche en informatique, avec 6 grands domaines qui sont là. Il y avait 90 chercheurs qui avaient contribué. Je ne les ai pas tous repris, mais les principaux, entre guillemets, et si jamais j'en ai oublié qui était dans la salle, je vous prie de m'en excuser, on retrouve des noms évidemment connus de la communauté informatique et des sujets qui sont pas tout à fait les mêmes que ceux d'aujourd'hui, mais qui sont pas non plus à 180 degrés. Et puis la consécration, si je peux dire, depuis 2000, avec d'abord la création du département STIC au CNRS, Sciences et Technologies d'Information. Ça ne s'est pas fait sans difficulté. Il a vraiment fallu que le ministre de l'époque, à savoir Claude Allègre, qui avait parfois des bonnes idées, mais il a su vraiment imposer la création d'un département STIC au CNRS. Alors, c'est rigolo, c'est qu'on n'a pas réussi à imposer à l'époque un département d'informatique. Le mot informatique ne pouvait pas vraiment avoir droit de cité, donc c'était Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication. Et c'est un département qui regroupait à la fois l'informatique, le traitement du signal, l'automatique, mais aussi la microélectronique, par exemple. Il y a le développement en parallèle des UMR. Côté INRIA, on va passer de 5 centres à 8 centres avec la création d'INRIA Futur, Futur avec un S, qui va ensuite donner lieu aux 3 nouveaux centres à Lille, à Bordeaux et à Saclay, qui seront créés au 1er janvier 2008 de façon autonome. Développement côté INRIA des équipes projets communes, donc des équipes projets entre l'INRIA, les universités et éventuellement le CNRS. En 2009, c'est la création de l'INS 2I au CNRS. Là, ça y est, c'est les sciences de l'information et de leur interaction. Puis ce qui caractérise, je crois, cette période aussi, c'est une ouverture vers les autres sciences et en particulier les sciences de la vie. Et là encore, INRIA et autour de Gilles Kahn et de Bernard Larouturou ont joué un rôle tout à fait clé pour annoncer, peut-être avant beaucoup d'autres, que ce serait un champ disciplinaire tout à fait important. La bioinfo, bien sûr, mais pas seulement la bioinfo. Et puis, il y a aussi IA tel un phénix, j'y reviendrai. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Il y a beaucoup d'acteurs. J'ai envie de dire que la place, je la trouve honorable sur la scène internationale, on peut en discuter. Et puis, une présence qui me semble un peu hétérogène sur les sujets chauds. Alors, beaucoup d'acteurs. Il y a les universités, les écoles, bien sûr. Il y a INRIA, il y a le CNRS, mais il y a aussi le CEA, qui est un énorme laboratoire sur le plateau de Saclay, le LIST, qui doit faire pas loin de 1000 personnes. Et puis, il y a finalement, si vous regardez, beaucoup d'informatique partout. Il y en a à l'INRA, il y en a à l'INSERM, il y en a aussi à l'ONERA. Enfin, je veux dire, il y en a vraiment beaucoup. Ce qui est intéressant de regarder, c'est un peu l'évolution. Et là, J'ai récupéré cette information qui est donc le CNU 27, donc Conseil National des Universités 27e section, la section informatique. Et là, vous pouvez voir que c'est un calcul qui prend la base 197 et qui regarde 20 ans après. Et vous voyez que la courbe en rouge, c'est le nombre d'enseignants-chercheurs en informatique. Et la courbe en noir, c'est l'ensemble des sections. Donc, vous voyez que ça a augmenté grosso modo de 20%, 21%. Mais en informatique, on a augmenté de plus de 60%. Ce qui montre bien l'importance qu'a prise l'informatique au cours de ces années et qui s'est traduit aussi par le doublement d'INRIA entre 2000 et 2010 et par une augmentation moins importante probablement, mais significative malgré tout, des effectifs au CNRS. Et puis, on a quelques stars, n'en déplaise à celles qui sont présentes, avec ce qui s'est passé au Collège de France, avec bien sûr Gérard, maintenant Xavier. Et puis, il y a eu cette chaire annuelle qui a été créée par l'INRIA, qui a joué un rôle tout à fait clé. Il y a eu deux médailles d'or au CNRS, en moins de 10 ans, attribuées à des informaticiens, ce qui était la première, qui sont des éléments importants. Et puis, bon, ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est les stars. Donc, les stars, elles ne sont pas nécessairement représentatives de l'ensemble de la communauté. Et j'ai pris une autre statistique qui est l'ERC, donc European Research Council. Donc, vous savez que ça s'est imposé depuis, créé en 2007. Donc, ça s'est imposé maintenant depuis une dizaine ou une douzaine d'années comme vraiment un indicateur de la qualité de la recherche dans un domaine. Et c'est intéressant de voir que la France est la première, pas de beaucoup, certes, mais la première en termes de lauréats de ERC. Donc première colonne, c'est les starting rounds, donc c'est les jeunes. Deuxième colonne, c'est les consolidateurs, donc les un peu moins jeunes, mais voilà. Et puis les advanced rounds, c'est les plus âgés. Alors, on pourrait discuter parce que les populations sont pas les mêmes et que probablement que si je prends le ratio de nombre de chercheurs lauréats, Israël a d'un meilleur résultat. Mais en termes, en tout cas, de nombre de lauréats, on voit que et sur les starting et sur les advanced, la France est en première position et les consolidateurs un peu moins. Mais globalement, donc, on est un pays dans lequel la recherche a, au niveau européen, en informatique, une qualité qui est reconnue. J'ai pas voulu être désagréable, j'ai pas voulu mettre l'ensemble des stacks pour tous les panels, mais il y a un certain nombre de disciplines qui se présentent comme étant des disciplines d'excellence française pour lesquelles les résultats sont beaucoup, beaucoup moins satisfaisants. Donc je pense que la communauté informatique a peut-être parfois tendance à faire preuve d'excès de modestie en oubliant de rappeler qu'elle a des résultats qui sont reconnus au meilleur niveau international. C'est quoi les priorités scientifiques d'aujourd'hui ? Bon, je me suis contenté de prendre, à gauche, c'est le plan stratégique d'INRIA, à droite, c'est les grandes priorités de l'INS2I au CNRS. Je ne vais pas les insister là-dessus, j'ai de façon assez subjective identifié 6 sujets que je considérais comme étant chauds. Je parlerai de données tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr que notre investissement ou notre présence sur ces 6 sujets, elle soit également de haut niveau. Je pense qu'en cybersécurité, on est plutôt bon. En big data, on est plutôt pas mauvais. En IA, je pense que ça dépend des domaines. En analyse d'image, ça va plutôt bien. En exascale computing, on n'a quand même pas énormément d'équipes qui sont présentes. Et en informatique quantique, on en a encore moins. Quelques-unes qui sont très bonnes, mais pas beaucoup, beaucoup. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on s'interroge collectivement sur le fait de savoir si on n'est pas en train de rater des champs extrêmement chauds pour les années à venir. Et puis j'en viens maintenant à peut-être la partie la plus importante de mon exposé, c'est quels enjeux ? Alors, c'est les enjeux dont certains ont déjà été évoqués par Gérard et aujourd'hui et dans ses cours précédents, et j'en ai identifié 8. Le premier enjeu, Gérard en a beaucoup parlé, je pense que c'est un sujet vraiment clé qui est l'enjeu de la formation. On nous annonce un CAPES d'informatique. Alors, j'ai vécu tellement de désillusions que je ne devrais pas me permettre de douter comme ça sur le fait, mais je vais vous raconter juste une anecdote, c'est en 95. À l'époque, on commençait déjà à pousser la création d'un CAPES et d'une agrégation informatique. Et l'inspection générale de l'époque nous avait dit comment on va quand même pas créer une agrégation d'informatique alors qu'on vient de refuser de créer une agrégation d'hôtellerie. Donc il y avait des visionnaires quand même à l'inspection. C'est 1995, hein. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir un CAPES d'informatique. Je pense que c'est vraiment une nécessité. Je veux y croire. Et j'espère que tous les informaticiens sont convaincus qu'il faut s'investir pour que ça devienne une réalité. J'attends de pouvoir serrer la main du premier certifié d'informatique pour vraiment me réjouir. Ça pose une question qui est intéressante, d'ailleurs, parce que pendant longtemps, on s'est battu pour avoir un CAPES, une agrég d'informatique, parce que on considérait que c'était dans le paysage français des passages un peu obligés. Je vais sortir une énormité, mais... Est-ce qu'au fond, avoir aujourd'hui, en 2019, des profs monovalents au niveau du collège et du lycée, comme on en a depuis des années, mais on continue à être un des seuls pays au monde à avoir ça. Est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien. Mais d'un autre côté, on avait essayé il y a quelques années de faire un CAPES maths info. Et là, les matheux étaient venus nous voir avec la main sur le cœur en disant « Mais vous vous rendez pas compte, les profs de maths sont déjà nuls. Si en plus on leur apprend de l'informatique, ils seront encore plus nuls. Donc ça se peut pas. » Donc résultat, là, on a obtenu, on est content. On a un CAPES d'informatique. Peut-être qu'un jour, il faudra se poser la question de savoir s'il faudrait pas des CAPES au moins bivalents, voire trivalents, au moins au niveau du collège. Mais bon, on peut pas tout changer. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Qui traite la question de la formation initiale, au moins en partie, parce que ça traite pas la question de la formation initiale à l'école maternelle, à l'école primaire. Je pense, pour moi, ce sont des vrais enjeux. Et puis, celle de la formation continue est importante aussi. Ça rejoint la question que vous avez posée tout à l'heure, madame. C'est comment on fait pour finalement toucher le plus grand nombre? Je crois qu'il y a peut-être plus de structures que vous ne le croyez, mais on, malgré tout, on est probablement mal équipé en France. Ça touche le grand public, ça touche aussi, et peut-être de façon encore plus importante, les décideurs. On sait bien qu'en France, le lien entre les décideurs et la science en général n'est pas complètement optimal, mais dans les domaines comme l'informatique ou l'intelligence artificielle, pour le moins, c'est pas optimal. Et il faudrait qu'on réussisse vraiment à faire en sorte de leur enseigner un minimum, de leur enseigner aussi ce que c'est, ça rejoint ce que disait Gérard tout à l'heure, mais ce que c'est que la pensée algorithmique. Peut-être aussi leur expliquer que les constantes de temps sont plus tout à fait les mêmes que celles dont ils ont l'habitude d'avoir dans le domaine de la science. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on réussisse à faire. Pour moi, c'est vraiment un enjeu clé, cet enjeu de formation. Et il s'adresse vraiment à tous les niveaux. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est de toucher un maximum de gens. Il faut avoir un maximum d'outils et surtout pas se dire on va faire un truc centralisé. Je pense que ça ne marcherait pas. Deuxième enjeu, c'est celui de l'ouverture. Je pense que ça, c'est un point extrêmement important. Et je voudrais signaler Software Heritage parce que... Donc Software Heritage, j'espère que vous savez tous ce qu'est Software Heritage, qui est donc la bibliothèque d'Alexandrie du logiciel, qui a maintenant plus de 5 milliards, je crois, de fichiers sources. Et je pense que c'est intéressant parce que on parle quand même là des enjeux de la recherche publique. Je pense que personne d'autre que la recherche publique n'aurait pu faire ce truc. Est-ce que demain, ça va devenir une fondation autonome? C'est peu importe, mais je crois que vraiment, il faut s'enorgueillir, il faut féliciter INRIA d'avoir réussi ce tour de force. Je pense que c'était vraiment quelque chose que seule la recherche publique pouvait faire, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Sur l'open science, ça, c'est un de mes grands combats au CNRS, et je crois que là, il faut vraiment que les informaticiens s'investissent de façon très forte. On a quand même une situation aujourd'hui qui est paradoxale, que tous les scientifiques connaissent. Les scientifiques font la recherche, les scientifiques évaluent la recherche, les scientifiques éditent la recherche, puis les scientifiques payent pour lire tout ce qui précède. Et ça ne peut pas durer. Il faut quand même savoir que les grands éditeurs, ils ont des marges bénéficiaires qui sont juste hors normes. Les bénéfices annuels de Elsevier, c'est à peu près le budget du... Après impôt, c'est à peu près le budget du CNRS. Pour ceux qui savent bien, le budget du CNRS, c'est 3,3 milliards. Et ça, c'est donc... J'ai toujours un peu de mal hein, quand ils m'expliquent qu'on va les obliger à mettre la clé sous la porte. Je pense qu'il y a un vrai enjeu pour la communauté scientifique. Et il me semble que la communauté informatique se doit de jouer un rôle particulier parce qu'elle est peut-être moins qu'un certain nombre sous l'emprise dictatoriale des impact factors et du H-index. Un peu moins, peut-être. Et je pense qu'il faut vraiment qu'elle joue un rôle important. Open Innovation, j'y reviendrai. Troisième enjeu, qui est l'enjeu du genre. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Ça, c'est les statistiques, comme tout à l'heure, des CNU 27. Donc, vous voyez, 19% de femmes parmi les professeurs d'université, 26% de maîtres de conférences, donc 24% si je fais la somme des deux. À INRIA, de mémoire, chez les scientifiques permanents, on est un peu moins 18%, c'est ça, quelque chose comme ça. Au CNRS, c'est pareil. Ça ne peut pas continuer à durer comme ça. Et quand je dis que ça ne peut pas continuer à durer comme ça, tout le monde est d'accord aujourd'hui avec ce constat. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et si on fait la même chose que ce qu'on fait depuis 30 ans, dans 20 ans, on sera au même résultat qu'aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse. Est-ce qu'il faut faire de la discrimination positive, ce qui fait hurler toutes les scientifiques femmes? Est-ce qu'il faut prendre des mesures? Je pense qu'il y a moyen de prendre des mesures. Juste pour vous donner un exemple, quand je suis arrivé au CNRS, je me suis rendu compte de deux choses. C'est, un, on avait le même problème, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 31% de femmes chercheuses au CNRS. Mais il y a un autre sujet qui est propre au CNRS, qui n'existait pas à INRIA. INRIA, grosso modo, il y a 18% de femmes, mais 18% quel que soit le corps de chercheurs. Au CNRS, il y a 31% de femmes en général, 35% pour les CR. Si vous arrivez à DRCO2, donc le top, c'est 8%. Et à chaque fois que vous montez d'un grade, le nombre de femmes diminue. Et donc ça, c'est un autre sujet, c'est qu'en plus, le CNRS n'est pas capable d'offrir aux chercheuses qui recrutent une carrière analogue à celle de leurs collègues masculins. Et on a pris une mesure concrète cette année, et qui a donné des résultats encore plus rapides que ce que je n'espérais. C'est on a dit, on va faire attention à promouvoir cette année, sur tous les corps et grades, non pas un pourcentage de femmes correspondant au pourcentage de candidates, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, mais un pourcentage de femmes correspondant à leur part dans le vivier potentiel. Parce qu'on sait très bien que les femmes ont une autocensure qui est beaucoup plus importante que celle des hommes. Et là, on va promouvoir cette année, dans chaque institut, on va promouvoir au moins autant de femmes qu'il y en a dans le vivier. Il n'y a pas de mesure révolutionnaire, mais je pense qu'il faut vraiment se préoccuper de cette situation. Je pense qu'on ne peut pas continuer à dire l'informatique est une science importante et il y a 20% de femmes. C'est juste pas possible. D'autant plus que ça introduit des biais qu'on sait. C'est-à-dire les hommes ne fonctionnent pas comme les femmes, c'est ce qui fait la richesse de la vie. Et que si on parle d'intelligence artificielle, il y a des études très sérieuses qui montrent que des algorithmes écrits par des hommes vont avoir un certain nombre de biais qu'on n'aura pas des algorithmes écrits par des femmes. Donc pour moi, c'est vraiment un enjeu majeur. Troisième enjeu qui est celle de la concurrence, qui pour moi est quelque chose d'un peu nouveau. Alors la concurrence, pour moi, il y a deux types de concurrence. La première concurrence, c'est une concurrence générale qui est la France versus les autres pays. Donc ça, ce que je vous ai mis, c'est un peu polémique, mais c'est que des faits. Donc les faits ne devraient pas être polémiques. C'est ce qui s'appelle la DIRD, donc c'est la dépense intérieure de recherche et développement de notre pays. De notre pays et d'un certain nombre d'autres pays. Et j'ai pris deux colonnes, simplement, c'est 96-2015. Donc vous voyez que la France, on était à 2,2% du PIB en 96 consacré aux dépenses de recherche et développement, et en 2015, on est à 2,2. On est d'une stabilité totale. Manque de peau, les autres, pendant ce temps-là, ils ont avancé un tout petit peu plus. C'est-à-dire, si vous prenez l'Allemagne, elle est passée de 2,1 à 2,9, et ce qu'on dit, c'est qu'ils vont dépasser 3 cette année. La Chine, n'en parlons pas, ils partaient de très bas, ils sont encore à moins haut que nous, mais vous voyez que la progression, elle est juste hallucinante. Et puis, j'ose pas vous parler de la Corée et d'Israël, qui sont à plus de 4. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. C'est quand même un vrai sujet, c'est-à-dire que je pense que les chercheuses et les chercheurs français sont quand même de qualité, mais à un moment, il va falloir qu'on puisse lutter à armes égales et que ça n'a pas marché. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce que je dis, en fait, le retard principal qu'on a n'est pas un retard lié aux investissements publics, mais aux investissements privés. C'est-à-dire que là, vous pouvez trouver des chiffres qui permettent de raffiner la DIRD, et la DIRD, il y a deux parties. La partie qui vient des entreprises, la partie qui vient des administrations. Et la France a plus de retard sur la partie privée que sur la partie publique. Et puis, il y a une autre forme de concurrence qui est pour le coup nouvelle, qui est celle-là. J'ai pris quatre personnes connues et reconnues dans le domaine de l'informatique. Et si vous regardez leurs petites fiches, ils ont tous une particularité. C'est que, si je prends Yann, il y a aucun qu'on connaît bien, c'est professeur New York Université. Et puis Facebook. Feili, c'est Stanford Université et Google. Willing, c'est Université d'Amsterdam et Qualcomm. Et puis Sébastien Sung, c'est Princeton et Samsung. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau dans la science. C'est-à-dire que ça n'existait pas il y a encore 20 ans. Des gens qui ont des vraies doubles positions entre la sphère académique et la sphère privée. Est-ce que c'est bien, sûrement, à plein de points de vue? Mais ça n'est pas sans poser des questions. C'est-à-dire que lorsqu'on discute avec Yann Lequin, quelqu'un qui est plus que respectable, finalement, avec qui je parle? Est-ce que je parle avec la personne qui est professeur à New York Université? Oui. Mais est-ce que je parle pas aussi au mec qui a monté le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, qui lui a proposé un salaire qui n'est pas tout à fait le même que celui de New York Université? C'est quand même un vrai sujet. Et puis, ça, c'est juste un petit point. C'est la concurrence du privé, elle s'exerce aussi, par exemple, sur un chiffre comme ça. Le budget de recherche d'Amazon, c'est 14,2 milliards. Si du CNRS, je vous l'ai dit, c'est 3,3, mais on a une couverture thématique beaucoup plus large qu'Amazon. Et puis, vous avez des annonces récentes, hein, 15 février 2019, qui dit que IBM va investir 2 milliards de dollars dans un nouveau centre mondial de recherche en intelligence artificielle. C'est un vrai sujet aujourd'hui qui est que, me semble-t-il, que en informatique en particulier, si on veut que la France et peut-être l'Europe continuent à tenir leur place au niveau international, il faut se poser la question de la concurrence, mais qui n'est pas une question simple, hein, qui touche à des dogmes. Le dogme ultime étant, mais est-ce que ça veut dire que demain, on fait comme les autres pays, c'est-à-dire qu'on ne paye pas la même chose, quelqu'un qui est en data science ou quelqu'un qui fait l'étude du Moyen-Âge, des dessins rupestres. C'est une vraie question. Je ne dis pas que la réponse est simple, mais je pense qu'à un moment, il faudra qu'on s'offre le luxe de se poser la question, sinon il me semble qu'on n'y arrivera pas. Enjeu supplémentaire, la question des relations avec les grands groupes, qui rejoint la question des doubles positions. C'est, est-ce qu'on est dans une logique de collaboration ou de compétition? Donc les centres 3IA là, qui vont être créés à Paris, à Grenoble, à Nice et à Toulouse vont faire coopérer les grands acteurs industriels et les centres académiques. Mais il y a une vraie question qui se pose pour la recherche académique française et même européenne, c'est quelle relation doit-on avoir avec les GAFAM ou les BATX? D'un côté, on est super content d'avoir leurs sous, parce qu'on n'a pas de sous des autres. Mais d'un autre côté, est-ce que ça va pouvoir continuer longtemps? C'est-à-dire que quand même, fondamentalement, les 3,3 milliards du CNRS, ils viennent à hauteur de 2,6 milliards de la subvention pour charges de services publics, c'est-à-dire l'argent du contribuable français, et 700 millions d'euros de ressources qu'on va chercher à l'extérieur. Jusqu'à quel point on va pouvoir travailler exclusivement avec des partenaires étrangers? C'est, me semble-t-il, là encore une question qui n'est pas simple, parce que c'est l'INRIA est très international, le CNRS est très international, donc il ne s'agit certainement pas de mettre des miradors et des barrières et de dire on ne va plus bosser avec les gens qui sont dehors de France ou d'Europe. Mais néanmoins, au bout d'un moment, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est normal que, d'une certaine façon, le contribuable français a juste comme objectif de permettre à ces grands centres de développer des nouveaux produits et des nouveaux algorithmes. Il me semble que c'est une question qui se pose de façon importante. L'enjeu des start-up, vous savez qu'on est une start-up nation maintenant, ça vous avez entendu la pub. Si on est très honnête, des licornes, on en a créé 4. Donc les licornes, vous savez que c'est plus d'un milliard de capitalisation. Donc 4 que sont Criteo, VentePrivé.com, Blablacar et OVH. Donc aucune n'est issue de la recherche publique, d'ailleurs. Et si on prend les grands succès issus de la recherche publique, si je peux dire, ça date un peu quand même. Hein. Ça date un peu. J'étais étonné parce que mais j'ai pas l'impression de m'être trompé. Et Esterel et Quelcoût et Trusted Logic, c'est 99. Et puis il y avait Elog en 87. Ça a été des grands succès. Ça n'a pas été Google ou Apple, vous le sauriez sinon. Et une vraie question qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'on est capable de créer un certain nombre de startups, mais quand même essentiellement, on est capable de créer des starts qui ne sont pas très souvent up. Et ça pose des questions qui ne se posent pas seulement à la sphère académique, parce que j'ai envie de dire que la sphère académique, elle, son métier, si je peux dire, ça doit être de créer des startups, de les mettre sur la ligne de départ, et le fait de savoir si ces starts, elles vont vraiment être up ou pas, ça dépasse très largement la question de la sphère académique. Il y a la question, comme dit Gérard, c'est que c'est bien d'avoir fait le meilleur produit du monde, mais que c'est encore mieux si les autres le savent, et qu'il faut évidemment vendre. Mais je pense que c'est une vraie question qui se pose aussi pour notre recherche, c'est comment on fait, quel accompagnement on doit mettre pour faire en sorte que les startups qu'on crée en nombre raisonnable, on ait un peu plus de succès. Et peut-être que ça veut aussi dire qu'il faut qu'on accepte d'en tuer un peu plus vite. Si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Israël, grosso modo, les startups, c'est une pyramide. Hein, donc vous allez en créer 100, puis au bout de 2 ans, il n'y aura plus que 50, puis au bout de 4 ans, il n'y aura plus de 25, et puis peut-être au bout de 10 ans, il y aura une licorne. On a mis en place en France des systèmes d'aide qui ont des côtés très sympathiques, mais qui permettent à tous ces startups de survivre, mais pas de grossir. Donc je pense que c'est une vraie interrogation qu'on doit se poser, qui concerne pas seulement l'informatique, c'est clair, mais qui se pose particulièrement en informatique parce qu'on est sur des constantes de temps qui sont quand même pas les mêmes que celles des... pour créer un médicament, par exemple. Énième défi, le déluge des données. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé depuis que je suis au CNRS. C'est les données accumulées par les autres sciences sont absolument hallucinantes. Donc ça, c'est un truc qui date du 20 décembre 2017. Donc en octobre 2017, donc le CERN a atteint 12,3 pétaoctets de données recueillies en un mois. Mais ça, c'est rien du tout. Ça, c'est le projet SCA. Donc SCA, c'est un truc hallucinant, c'est Square Kilometer Array. Une très grande infrastructure de recherche. Une très grande infrastructure de recherche, c'est que les gens sont venus me le présenter au CNRS. C'est super, tu comprends, on va faire des antennes comme ça, c'est 1 km². Et on va obtenir des résultats absolument extraordinaires, c'est un projet international, et c'est super, mais je dis, ça coûte combien ? Bêtement, c'est mesquin de ma part, j'en connais. Alors, il me dit, mais ça va coûter, là, il y a la phase 1, ça a coûté pas plus de 800 millions d'euros. C'est rien. Donc, gros, c'est... Et je dis, mais phase 1, c'est quoi ? Ben, phase 1, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Donc là, je leur dis, donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse fois 100. Alors, mais, non, il y a un facteur d'échelle, pas plus de fois 10. D'accord ? Donc c'est juste un truc qui va coûter 7 à 8 milliards d'euros. Il faut savoir que les frais de fonctionnement de ces petites bébêtes, c'est les frais de fonctionnement annuels, c'est 10% du frais d'investissement. Donc il suffit de trouver 700 à 800 millions d'euros par an de fonctionnement, mais c'est un projet international. Ça. Bon, là je me moque un peu parce que scientifiquement, c'est vrai que c'est un projet passionnant, mais vous comprenez qu'on réfléchisse à deux fois. Et ce qu'ils ont prévu de produire, si c'était 1 km sur 1 km, c'est un volume journalier de données qui correspond grosso modo à la taille actuelle du web, tous les jours. Donc, ce n'est pas un projet tout de suite, bien sûr. Deux exemples, je pourrais parler de la médecine personnalisée. Et la vraie question qui se pose, me semble-t-il, c'est « Et c'est quoi la place de la recherche informatique dans tout ça ?» Parce que je ne suis pas sûr que toutes ces disciplines nous attendent. C'est-à-dire qu'on a fait quand même, dans le passé, un calcul un peu bizarre, c'est on a décidé de ne pas s'occuper des grands ordinateurs. Au CNRS, ce n'est pas les informaticiens qui s'occupent des grands ordinateurs. GENSI n'est pas vraiment contrôlé par les informaticiens. Est-ce qu'on ne va pas faire la même erreur, de mon semble-t-il, avec les données ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne doit pas veiller à faire en sorte que ces grandes données, on ne peut certainement pas les traiter tout seul, mais est-ce qu'on ne doit pas les traiter avec les spécialistes des autres sciences ? Si je regarde le CERN, ce n'est pas vraiment ce que fait l'N2P3. L'N2P3 a son centre de calcul, a ses ingénieurs, ses chercheurs. Donc c'est un vrai enjeu qui se pose pour la recherche publique, pour le coup, en informatique. L'enjeu des SHS, ça rejoint la question de la déontologie, la question de l'éthique. Je pense que ça, c'est vraiment une question sur laquelle il faut que les informaticiens se penchent et se penchent avec les autres disciplines, et en particulier les sciences humaines et sociales. Donc, je sais que Bertrand est convaincu et que dans le plan IA, il y aura des choses formidables. Je pense qu'il faut réfléchir aux notions d'éthique, aux notions de déontologie, qui ne sont pas des notions universelles. Ça, c'est une de mes marottes. Mais si vous prenez les armes aux États-Unis... J'imagine que la plupart d'entre vous, d'entre nous, considèrent qu'ils sont quand même un peu barjots là-dessus. Bon, oui, peut-être, mais ce n'est pas leur éthique. On peut dire, mais vous êtes des gros nuls, et d'ailleurs, vous avez vu le président que vous avez réussi à élire, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et je pense que sur l'éthique, il faut qu'on ait une réflexion qui intègre dans notre réflexion cette dimension technicienne qui est la nôtre, mais aussi cette dimension liée à la sociologie, à l'histoire, à l'ethnographie. Et je pense qu'on a vraiment besoin... De discuter avec les gens des sciences humaines et sociales. Je trouve que ça pose des questions qui sont vraiment intéressantes aussi d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire que si je prends l'acceptabilité, moi je fais un lien très, très, très direct entre l'acceptabilité et tout ce qu'on sait faire si bien en France sur la vérification. Il y a plusieurs sujets intéressants. C'est essayer de comprendre pourquoi les gens ont besoin d'être convaincus des fois et pas des fois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on prend tous l'avion. On sait bien que dans les avions, les pilotes ne servent plus à rien, grâce à STL. Et pourtant, jamais vous êtes posé la question de savoir est-ce que... Mais expliquez-moi comment, Monsieur Berry, vous avez vérifié le logiciel avant que je monte dans l'avion. Pour Parcoursup, qui est plutôt un truc plus simple, là, on veut des explications à l'infini, ce qui n'est pas complètement simple. Et en plus... Et c'est là où on a besoin aussi d'interaction avec les sociologues, c'est quelles sont les explications qui vont finir par convaincre les gens. C'est-à-dire que c'est pas, même si demain, objectivement, on vous démontre que Parcoursup correspond à un certain nombre de critères, pas vous, mais je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ne seront pas convaincus. Et donc je pense qu'on a vraiment besoin de développer ces recherches, on a besoin de développer une société de confiance dans ces technologies-là, et il me semble que c'est un enjeu majeur pour la recherche en informatique. Mais c'est un enjeu qu'elle ne peut pas faire tout seule. Je pense qu'elle a vraiment besoin d'avoir une réflexion autour de ça. Et puis, c'est ma conclusion, si on regarde, je pense qu'il y a un parcours qui est absolument incroyable, qui a été parcouru depuis plus de 60 ans, à tout point de vue. Je pense que vraiment, il faut que la communauté informatique, globalement, peut se féliciter du parcours qui a été réalisé. Je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles opportunités qui s'ouvrent grâce au fait que le monde devient numérique. Mais il y a un vrai risque qui est que nous aussi... chercheur en informatique, chercheur public en informatique, d'une certaine façon, soit intermédié, comme l'ont été les hôteliers ou comme l'ont été les compagnies aériennes. Ou finalement, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont se mettre entre les applications et nous ? Et je pense que là, il y a un vrai danger, c'est-à-dire que on peut à ce que la recherche publique en informatique, faute à la fois de moyens, d'ouverture, de plein de choses, se contente d'étudier des sujets un peu théoriques, intellectuellement tout à fait sympathiques, mais qui ne soient pas en prise directe avec la société. Je pense que ça, c'est un enjeu majeur. Et donc, pour moi, il y a, de la part de la recherche publique en informatique, un combat qu'il faut continuer à mener. Donc, on peut être déçu parce qu'on peut se dire qu'on avait gagné plein de combats, mais bon, la vie est un combat permanent. Et je pense qu'il faut qu'on continue, d'une certaine façon, à prouver notre incontournabilité, entre guillemets, à la fois aux autres scientifiques, c'est ce que je viens de dire. Je pense que sur les autres sciences, aujourd'hui, si vous discutez avec les gens de l'INSU qui ont le projet SCA, ils ne vont pas nécessairement se dire « Ah oui, il faut qu'on développe des liens avec les informaticiens, on va développer nos techniques et on serait incapable, dans les amas de données qu'ils vont avoir, de nous, informaticiens, de définir les données intéressantes. » Mais à l'inverse, si on ne conduit pas des recherches qui doivent permettre de collaborer avec eux, c'est quand même un petit peu bizarre. Aux décideurs, je pense que ça, on en a déjà parlé, mais c'est absolument un point tout à fait clé. Il faut réussir à convaincre les décideurs d'investir. Et on ne peut pas toujours en permanence se plaindre qu'on n'a pas de GAFA en France, mais peut-être qu'il faut se poser la question de pourquoi on n'en a pas, et que si c'était facile d'en avoir un, on n'en aurait un, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour faire en sorte que dans 10 ans, on ne fasse pas simplement le même constat qu'aujourd'hui. Les industriels, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous disais que ça pouvait nous poser des questions que de travailler avec les industriels étrangers ou de ne travailler qu'avec les industriels étrangers. Je dois ajouter que c'est compliqué quand vous discutez avec un chercheur de lui dire « Écoute, ça serait mieux que tu bosses pas seulement avec des industriels étrangers si vous n'êtes pas capable de lui présenter en plus des industriels français qui sont capables de bosser avec lui. » Parce que si la question, c'est « T'as le choix entre A, industriel français qui te donne 1 million d'euros ou B, industriel américain ou chinois qui te donne 1 million d'euros », bon, dire « Ok, je comprends. » Mais si vous avez le choix entre l'industriel chinois ou américain qui vous donne 1 million d'euros et l'industriel français qui vous donne une poignée de main, c'est plus compliqué. Et donc le fait qu'aujourd'hui, les industriels français comprennent qu'il faut mieux travailler et plus travailler avec nous, c'est bien sûr, ils ont une part de responsabilité, c'est clair, mais je pense que la communauté informatique a aussi une part de responsabilité. Et puis enfin, dernier point, c'est le grand public. Je crois que c'est vraiment important, la question de la société de confiance. Et je pense que là, la vraie difficulté pour les informaticiens, c'est qu'ils sont sollicités par plein de gens, et qu'il faut être capable d'adapter son message aux différents gens. Et je pense qu'en particulier, les messages aux décideurs et au grand public ne sont pas les mêmes. Et je pense que pendant longtemps, on a voulu vulgariser la discipline informatique en disant, grosso modo, il y a les informaticiens puis le reste du monde. Et donc, on va expliquer au reste du monde. Après, on a été un petit peu plus précis. On a dit, il y a les informaticiens, puis il y a les autres scientifiques et il y a le reste du monde. Et je pense que là encore, on a été trop général. Et je pense que vraiment, il faut qu'on ait des discours qui soient différents pour le grand public d'une part, et pour les décideurs qui, comme leur nom l'indique, vont avoir des décisions à prendre et pour lesquels aujourd'hui une compréhension minimale de ce que c'est la recherche informatique et de ses enjeux me semble absolument clé. Merci beaucoup. C'était les cours du Collège de France où venez d'écouter Antoine Petit, président directeur général du CNRS, et Gérard Berry dans le cadre de sa série « Où va l'informatique ?» Aujourd'hui, les enjeux de la recherche publique en informatique. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Gérard Berry. Ces cours sont accompagnés de riches supports visuels dont vous retrouverez les liens sur nos pages. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation, Meryl Meneghetti. Demain, nous retrouverons l'informaticien Gérard Berry pour sa leçon de clôture au Collège de France.